Dracula. Donc on va parler de l'histoire réelle de Dracula, entre guillemets, parce que Dracula au sens propre n'a jamais existé, mais il y a un personnage qui a inspiré le livre. Nous allons voir donc l'histoire de cet homme qui s'appelait Vlad Tepes. Donc ce dernier est né entre 1431 et 1436 en Valachie, ou selon les légendes en Transylvanie, et il est mort en 1476 près de Bucarest. Et il est le fils de Vlad le Dragon. À cette époque, la Valachie essaye de résister à la pression ottomane, mais aussi aux Turcs, et la relation avec ces pays varie souvent entre la guerre et la soumission, et ils arrivent à posséder la paix grâce au paiement d'un tribut. Donc les Dracula, ils veulent négocier la paix, tandis que les Danescu, donc une autre famille, eux font appel aux Hongrois pour combattre le sultan turc. Donc en 1447, Vlad II Dracul, Dracul qui veut dire le dragon, donc il conclut la paix avec les Ottomans. Vlad sera alors considéré comme un traître aux yeux de l'ordre du dragon. Ensuite, Najan Iudniadi, le voïvode de Transylvanie et gouverneur de Hongrie, donc c'est quand même un sacré titre, met en place une expédition punitive contre Dragon. Ce dernier est capturé et tué à Balteni avec son premier fils Mircea II le Jeune. Jean fait élire au trône de Valachie un des Danesti et donc les Draculesti sont évincés du pouvoir, donc la famille de Dracula. Donc on fait un petit retour en arrière en 1442 sur Vlad Tepes, qui lui est envoyé comme otage au sultan Mourad II avec son jeune frère Radu III le Beau, et cela jusqu'en 1448, tandis que son frère Radu lui reviendra qu'en 1462. En tant qu'otage princier, il a beaucoup d'avantages, donc il peut étudier, il peut correspondre avec d'autres personnes, il peut disposer de pages et de serviteurs. Mais il nourrit à cette époque un désir de vengeance contre les Danesti. La légende raconte qu'il aurait fait ses premiers empalements à cette époque. Donc l'empalement qui à la base était un supplice de l'Empire ottoman. Donc il profitera que Vladislav soit éloigné du trône de Valachie dans sa guerre contre les Turcs pour reprendre le pouvoir. Mais il va se faire éjecter en 2 mois au retour de Vladislav en Valachie. Vlad partira alors en Moldavie et va se lier d'amitié avec le futur Étienne III de Moldavie. En 1453, la chute de Constantinople face aux Turcs va tout changer dans l'histoire. Jean Iunadi confie alors une armée à Vlad Tepes pour défendre la Valachie et la Transylvanie, mais ce dernier en profitera pour combattre Vladislav II qu'il tuera en 1456. Et ensuite, il régnera pendant 6 ans. Et pendant cette période, il va centraliser toute l'autorité et il tuera sans pitié tous ses anciens adversaires. Ensuite, tout le monde connaît la fameuse légende de l'empalement de Vlad, mais cela n'est qu'à moitié vrai. Il n'aurait pas eu suffisamment de forêts dans le pays pour empaler tous ceux qui ont soi-disant subi ce châtiment, et en vrai, il n'empalait que les personnes de haut rang pour faire peur aux soldats. Il met en place une armée princière remplie de paysans libres afin de faire la loi, et Vlad était certain de ce système et avec raison. Tout simplement parce qu'il aurait placé une coupe en or à la fontaine de la place centrale de Targoviste, donc sa ville de naissance, et tout voyageur pouvait boire dedans durant tout son règne. Durant tout son règne, la coupe ne fut jamais volée. Une autre légende dit qu'il aurait même empalé ses propres soldats blessés, et même ceux qui refusaient de se battre. Et il aurait même tué le bourreau qui refusait de suivre ses ordres, comme vu plus tôt, cela n'est pas vraiment possible qu'il tue autant de personnes, sinon il aurait vite été évincé du pouvoir. Et puis tuer ses hommes, ça n'a aucun intérêt pour faire la guerre ou protéger son territoire. Donc on revient en 1457 avec Vlad qui dirige sa vengeance vers les boyards responsables de la mort de son père et de son frère. Donc le dimanche de Pâques, il arrête tous les boyards qui faisaient la fête et il a fait empaler quelques chefs de grande famille et oblige les autres à marcher une centaine de kilomètres et à construire une forteresse sur les ruines d'un avant-poste de son grand-père. Avec cette forteresse, il peut contrôler le passage entre la Valachie et la Transylvanie. La même année, des marchands saxons de Transylvanie, de Sibiu et de Brasov essayent de le remplacer par un prêtre roumain Vlad IV Calugarul, qui veut dire le moine, qui promet des avantages douaniers à Brasov. Mais il choisit plutôt Dan III Danicu, le frère de Vladislav II. Vlad, qui apprend tout ça, intervient et punit ses ennemis jusqu'à l'arrivée de Matthias Corvin, qui est le fils de Jean Iunadi, qui négocie un accord avec lui. Donc Dan III, soutenu par Mathias, passe les Carpates, mais se fait attraper et exécuter par Vlad 22 avril 1460. Et Vlad a donc rendu très sévère les contrôles douaniers envers les Saxons. En 1462, Vlad se sent très puissant avec la participation militaire que promet Mathias Corvin. Vlad se sent capable d'affronter les Turcs et de briser son alliance avec les Ottomans. En faisant ça, il tuera plus de... Alors, en faisant cela, il tuera plus de 38 hommes, mais perdra également la confiance de son frère Radu le Beau. Il provoquera également la colère du sultan Mehmed II en refusant les demandes des émissaires de payer un tribut sous peine d'être envahi. Une légende dit que les émissaires avaient refusé d'enlever leurs turbans, pour cela ils auraient cloué les turbans sur leur crâne. Mais l'histoire réelle tend à prouver que les émissaires avaient reçu l'ordre de tuer ou capturer Vlad, mais celui-ci aurait pris les devants en les tuant. Vlad se replie à Targoviste, où il mènera une action célèbre, l'attaque de nuit à Targoviste du 17 juin 1462. Et selon la légende, lorsque le sultan arriva à la ville, des centaines d'officiers turcs étaient empalés. Cela fut surnommé la forêt des pales. Vlad doit alors faire face à son frère Radu le Beau, qui est le candidat des Turcs pour monter sur le trône de Valachie. Radu se retrouve à la tête d'une immense armée et poursuit son frère. Ce dernier se rend à la forteresse Pohnari et réussit à s'enfuir. Selon la légende, sa femme en fuyant serait tombée d'une falaise et mourue. Quant à Vlad, il aurait ferré les chevaux dans le mauvais sens afin qu'on ne puisse pas les poursuivre. Vlad se rend en Hongrie pensant Mathias Corvin toujours son allié, mais son frère au trône de Valachie et les nombreux excès de Vlad lui vaut de passer 12 ans en prison à Buda. Une fois libéré, il retourne en Valachie où il règne à nouveau, mais selon les sources, disent qu'il aurait fait prospérer la ville. En décembre 1476, il est assassiné, décapité, et sa tête fut envoyée au sultan qui exposa la tête sur un pieu. Donc maintenant, nous allons voir les versions dans la culture populaire. Donc d'abord, on a le livre que je n'ai pas vraiment lu, mais qui a lancé toute l'histoire du vampirisme en s'inspirant de Vlad Tepes. C'est bien sûr le bouquin de Bram Stoker, qui est sorti en 1897. Ensuite, on trouve Dracula également dans l'univers Marvel, grâce à une série qui s'appelle Tomb of Dracula, qui est beaucoup trop vieille pour que j'aie pu la lire, mais aussi dans les Blade Trinity, qui est le troisième film de la trilogie, où le Dracula est joué par Dominique Purcell, et qui est plutôt un bon Dracula, plus puissant que les autres vampires. Il n'y a aucune raison que Dracula soit plus puissant que les autres vampires, mais bon, il est souvent vu comme le premier vampire. Voilà, après il a une transformation qui ressemble pas à ces sortes de chauves-souris comme on voit les trois quarts du temps dans beaucoup de films, mais je trouve sympathique. Ensuite, on a Dracula de 1992 avec Gary Oldman dans le rôle. Ça fait un moment que je ne l'ai pas revu, mais qui était un très très bon Dracula. Et qui est un Dracula qui s'inspire du livre de Bram Stoker. Ensuite, on a vraiment la toute première version du vampire en vidéo, qui est Nosferatu le vampire, qui est sorti en 1922. Et dont on peut retrouver le film au complet sur YouTube. Ensuite, on a eu Dracula Untold en 2014 avec Luke Evans dans le rôle principal. Et ce film était très intéressant pour deux raisons. C'est qu'il s'inspire à moitié du livre de Bram Stoker et à moitié de la vraie histoire de Vlad Tepes. Et je trouve un peu dommage qu'on n'ait pas eu de suite pour voir ce que ça donnerait dans l'époque moderne. Mais on retrouve pas mal de petites légendes, comme sa femme qui meurt en tombant de la falaise, voilà, toute la guerre avec les Turcs, tout ça. Enfin, je trouve que le film est plutôt pas mal, même si malheureusement il n'a pas assez bien fonctionné. Ensuite, on a Van Helsing, dont on va reparler, parce que c'est le méchant principal du film, avec Hugh Jackman qui est sorti en 2004. Donc, cette fois, c'est Richard Roxburgh qui joue le rôle de Dracula et qui le joue très très bien, même s'il a à moitié un rôle de Victor Frankenstein. Et je trouve, enfin, de ma connaissance dans les vampires, c'est une des toutes premières fois où on a un vampire qui se transforme en chauve-souris. Alors, même si là, c'est vraiment une chauve-souris assez particulière qui est jouée par Richard Roxburgh. Et après, je trouve dommage que après les films de vampires ont souvent repris cette transformation après lui, mais je trouvais qu'il faisait un bon Dracula malgré ce côté Frankenstein qu'on a en lui. Ensuite, malheureusement, en France, on a eu la comédie musicale Dracula, l'amour plus fort que la mort, que j'ai pas trop regardé. Et on a également le film animé Hôtel Transylvanie, dont j'ai vu les deux premiers films il n'y a pas longtemps. Et là, pareil, Dracula, bah, c'est un peu du n'importe quoi. Enfin, moi, j'ai beaucoup de mal, vu que c'est un personnage que j'aime beaucoup dans ma culture, enfin, dans la culture dont je m'imprègne pour apprendre, pour écrire mes romans. Dracula est un des personnages dont je m'inspire le plus. Et je trouve très dommage d'avoir des versions comiques caricaturées comme ça. Je trouve ça pas terrible, terrible. Et ensuite, en petite info dans la culture, le grand acteur Christopher Lee a joué 9 fois le rôle de Dracula. Donc on va maintenant passer à ma version de Dracula. Donc le background de Vlad Tepes, moi pour l'instant il n'est pas encore très bien travaillé. Même parce que je pense que je vais reprendre globalement la version de la vraie histoire, parce que je vois pas pourquoi changer son histoire alors qu'il est un personnage réel, donc je pense que ce sera sa vraie histoire. Mais quand on entre dans l'histoire, en fait Dracula est déjà un vampire. Et il fait très peur dans les territoires aux alentours. En sachant que la Transylvanie est une énorme chaîne de montagnes, enfin, ça traverse énormément de pays, la Transylvanie. Et du coup, on se trouve en Pologne, avec le roi Casimir IV Jagellon, dont certains auront peut-être entendu pour l'action dont je parlerai dans 2 petites secondes. Donc, Casimir entendra parler de Dracula et il en aura très peur. Et pour ça, il va tenter de soumettre l'ordre des Teutoniques, dont fait partie Leila Stralk, qui est un membre de la famille Stralk, et un originel donc, et Marcus Temple, qui est le frère de Florian Temple, donc un des héros de mes romans. Mais il va échouer, et il retentera quand ses deux derniers seront absents, et il fera ce qui s'est passé dans la vraie vie, il mettra fin à l'ordre des Teutoniques en tuant tous les chevaliers. Enfin, c'est pas lui qui les tue de sa main, mais il fait tuer tous les chevaliers. Pour cela, Leila Stralk, elle va fuir le pays de chagrin, va retrouver son frère psychopathe. Et Marcus, lui, va désirer se venger en tuant le roi polonais. Et avant de le tuer, il va entendre parler de ce fameux Dracula, donc un jeune vampire. À cette époque-là, Marcus a déjà. Ça fait 500. Il a déjà 1500 ans. Donc Dracula à côté est quand même un très jeune vampire. Donc Marcus va le rencontrer et après un petit combat entre deux vampires, l'un qui protège son territoire face à un nouveau venu et l'autre qui veut juste le rencontrer, au final ils vont tous les deux devenir amis et ils vont diriger la Transylvanie et plus principalement aussi l'ancien royaume de Valachie. Tous deux, Marcus et Dracula, au fil des ans vont devoir combattre des confréries de sorciers qui sont envoyées pour les éliminer. Ensuite, les deux hommes ont toujours gagné, et ce qui va les rapprocher encore plus, c'est quand apparaîtra la confrérie du dragon, donc une confrérie qui est remplie de quasiment toutes les sorcières du monde entier, mais dont à leur tête se trouve à la fois Vlad le dragon, qui a été ramené à la vie par un ange de la mort, parce qu'il existe deux anges de la mort, l'un d'entre eux qui est Florian Temple, et le second qui est son père, donc le père de Marcus, Baker Temple. Donc juste. Voilà, donc après, la confrérie dirigée par ces deux hommes ont souvent combattu leurs deux fils qui dirigent le royaume. Et juste pour revenir sur l'appellation d'ange de la mort, en fait, c'est le fait que Flan Temple et Baker Temple possèdent une dague qui, en tuant une personne, il peut ramener une autre personne à la vie. Après, bien sûr, il y a des règles à suivre si on veut ramener la personne telle qu'elle était avant sa mort. Sinon, elle risque de vite disjoncter.